Suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Diplomate au bord de la crise de nerfs, une série de Franck Cuvelier réalisée par Véronique Samouilov. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'avec l'ENA qui ferme, la diplomatie a un coup dans l'aile et entre Greta Thunberg et Angelina Jolie, et après qu'un homme ait été assassiné et débité en morceaux dans une ambassade, on se demande bien parfois à quoi servent encore les conversations feutrées des diplomates. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, des négociations, des tensions, de l'amertume et un ambassadeur qui a promené un président en quête de bains de foule dans les avenues de Pékin vidées par la police. Mais pour commencer, premier épisode, on fait le bilan. Moi, je ne saurais pas être médecin. Je ne saurais pas être garagiste. Tout le monde pense qu'il pourrait être diplomate. Beaucoup de gens s'interrogent si la diplomatie est encore un métier, puisqu'ils veulent tous faire de la diplomatie et qu'ils estiment par conséquent que la diplomatie, c'est quelque chose qui ne demande pas ni de connaissances particulières, ni d'expérience, ni de talent particulier, mais que tout le monde peut se définir comme diplomate à un moment ou à un autre. Et je ne le pense pas. Quand je suis rentré au Quai d'Orsay, c'est... Sauf si, franchement, on piquait dans la caisse, on était quand même assez sûr de finir ambassadeur ou consul général ou ambassadeur adjoint. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Cette absence de moyens qui fait qu'on a fermé les ambassades, qu'il y a moins de postes de débouchés, qu'il y a des nominations politiques aussi de plus en plus, donc qui agace un peu dans le métier, en disant, bah oui, c'est compliqué. Est-ce que la diplomatie est en crise? Oui, sans doute. Guerre. Reprise des affrontements, échauffourée aux frontières, reprise de conflits, durcissement, gel des relations, escalade, provocation, démonstration de force, annexion intolérable, incursion, raid, frappe préventive. Les métaphores ne manquent pas pour dire la multitude des conflits sur la planète. Mais alors, que font les diplomates? Où sont-ils? Renseignements pris, ils seraient au bord de la crise de nerfs. Alors un président qui traite un autre de tueur, c'est assez inédit à ma connaissance, c'est même très audacieux. Joe Biden y va très fort. Tout ce que tu dis revient sur toi. Voilà en substance la réponse tout en ironie de Vladimir Poutine à Joe Biden. Cette passe d'armes verbales plonge les relations russo-américaines dans une nouvelle spirale de tension. Diplomatie et crise de foi. Quand j'étais petit, on avait l'habitude de dire, quand on se disputait pendant la récréation... C'est celui qui dit qu'il est. Un documentaire de Franck Cuvelier, réalisé par Véronique Samouilov. Je suis obligé de constater qu'il y a sans doute eu trois malentendus avec le président Bolsonaro. Je l'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogeant des scientifiques. Bon. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. Et puis... Il se trouve qu'hier, il a considéré que c'était une bonne idée que son ministre, ça n'arrive jamais en France, qu'un ministre de la République insulte quelques dirigeants que ce soit pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Oui, la diplomatie est en crise parce que le monde est en crise, le système international est en crise. Pierre Vimont. Les défis sont de plus en plus nombreux, les nouvelles technologies ont profondément changé le métier de diplomate et plus généralement l'ordre international, parce que de nouveaux acteurs apparaissent. Bref, pour toutes ces raisons-là, il y a une vraie crise de la diplomatie. Autre question qu'on pourrait se poser, au fond, quand vous regardez les 15, 20, 30 dernières années, où est-ce qu'il y a eu de vrais succès diplomatiques? Quand je réfléchissais à ça avant notre réunion, au fond, je ne trouvais que l'accord avec l'Iran, l'accord nucléaire avec l'Iran de 2015, l'accord de Vienne, et encore 2 ans ou 3 ans plus tard, Trump l'a complètement remis en cause. Mais donc, il y a un problème général. Mais en même temps, précisément parce qu'il y a cette crise, précisément parce que la diplomatie a du mal, il me semble que plus que jamais on a besoin de la diplomatie. Il y a des gens qui patiemment, difficilement, laborieusement, essayent de faire avancer les choses. La diplomatie ! Sans crédit, sans moyens, c'est la fin ! La diplomatie ! Nouvelle journée de grève pour les diplomates français. Il y a 15 jours déjà, le personnel du ministère des Affaires étrangères avait manifesté son mécontentement en France et à l'étranger. C'était alors une première. Aujourd'hui, les diplomates vont une fois encore protester contre des restrictions budgétaires. Grève des diplomates 2003. Très concrètement, nous n'avons plus les moyens de notre politique étrangère et nous constatons que les mêmes dirigeants qui vont aux Nations Unies, se font applaudir sur l'Irak ou font des grandes déclarations, devraient nous défendre davantage dans les négociations budgétaires parce que c'est le nerf de la guerre et que le ministère des Affaires étrangères n'a plus les moyens de ses ambitions. Quand les Affaires étrangères ont envie de faire une enquête sociologique sur les métiers de la diplomatie, Marc Lauriol, Stein Malais s'est exprimé. Et il voulait avoir une vision un peu plus large du rapport au métier pour réfléchir sur finalement à quoi servent les diplomates. Et ils se sont dit qu'ils pouvaient avoir besoin d'une enquête sociologique, de sociologie du travail. Il y avait aussi l'idée de que le métier diplomate était mal connu, qu'il y avait beaucoup de stéréotypes, de clichés. C'était alors des clichés assez classiques du type l'ambassadeur qui passe sa vie dans des beaux salons en réception, comme on le voit dans certaines publicités pour du chocolat par exemple. C'était aussi le fait que il y a une rivalité qui est assez ancienne entre le ministère de l'économie et des finances d'un côté et le ministère des affaires étrangères de l'autre, où les gens du ministère de l'économie et des finances ont le sentiment que eux s'occupent des affaires sérieuses, des intérêts économiques de la France et que les diplomates seraient sur des sujets moins importants. Les diplomates français, sans doute encore plus que les autres, souffrent d'un problème d'image. Enquête sociologique menée par Marc Lauriol, diplomate anonyme. On nous reproche notre arrogance, notre haute opinion de nous-mêmes. Bon, ce qui n'est pas totalement faux à mon avis. Représenter, ça ne veut pas dire tout d'un coup être gonflé de l'importance de notre pays. Mais ça veut dire aussi représenter le meilleur, c'est-à-dire l'écoute, le dialogue, l'universalité. Enfin, c'est censé représenter un certain art de vivre, une certaine distance avec les choses. Pouvez-vous nous donner la liste de tous ceux qui se prétendent diplomates, que vous avez pu voir arriver ces dernières années et... J'en vois beaucoup comme acteurs, non pas inutiles, mais qui aujourd'hui donnent volontiers des leçons aux diplomates. Vous avez les grandes associations bénévoles, de volontaires, humanitaires, les organisations non gouvernementales. Encore une fois, ils jouent tous un rôle utile. And now I'll give the floor to Miss Angelina Jolie. Bitch, you have the floor, madam. Mr. President, foreign ministers, your excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to brief the council. I thank His Excellency, the foreign minister of Jordan, the High Commissioner for Refugees. Mais le problème, c'est qu'ils pensent qu'à partir de là, parce qu'ils s'occupent aussi de relations internationales, ils connaissent la solution et ils savent trouver la solution. Et la critique souvent adressée aux diplomates, c'est vous vivez dans vos bureaux, vous ne connaissez pas la réalité. Il peut y avoir du vrai dans cette critique, mais il y a aussi des diplomates qui connaissent le terrain, qui sont allés bourlinguer et qui, avec leur expérience, avec le passé qu'ils sont acquis, peuvent peut-être apporter une contribution qui sera en définitive plus utile et plus efficace. George Clooney n'est définitivement pas un acteur comme les autres. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'a nommé messager de la paix, un titre dont il s'est dit cet après-midi profondément honoré et qui vient récompenser son rôle prépondérant dans la mobilisation internationale sur la tragédie. Quand vous êtes quelqu'un comme moi, malheureusement, qui a un certain âge et qui est passé par toutes les différentes étapes de la diplomatie, toutes les propositions qu'on vous fait, il faut faire ceci ou cela, vous pourriez facilement répondre, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Et donc, il faut reprendre le travail, remettre l'ouvrage sur le métier et continuer à avancer. Acteur engagé, George Clooney est aussi un militant de la première heure contre la guerre en Irak, ce qui lui a valu d'être qualifié de traître. En fait, il y a en Irak des dizaines de milliers de morts chaque mois, qui me donnent raison. Si c'est ça, je veux bien être un traître à mon pays. Les diplomates ont été inventés simplement pour perdre du temps. David Lloyd George. Le mot crise et crise de nerfs, est-ce que c'est quelque chose qui est justifié quand on parle de la diplomatie d'aujourd'hui ? Le mot crise, en fait, c'est un mot qu'on commence vraiment à appliquer à cette activité au sortir de la Première Guerre mondiale. Laurence Badel. Parce qu'on reproche aux diplomates d'être les principaux responsables, en fait, de l'entrée en guerre. Et ils sont assez vite discrédités auprès des opinions publiques et aussi auprès de la classe politique de l'époque. On sait que David Lloyd George, qui a été un des grands négociateurs de Versailles, tenait le Foreign Office en très, très piètre estime. Et au sortir de la guerre, dans les années 20, oui, on va beaucoup réfléchir à cette crise de la diplomatie, à ce déclassement aussi, d'une certaine manière, des diplomates qui sont remis en cause, ben, non seulement par les hommes politiques, mais aussi par les opinions publiques. Parce que c'est une énorme faillite, en fait. 14-18, finalement, c'est l'échec total de la prévention de la guerre et de l'arrêt de la guerre dans des temps raisonnables. C'est la catastrophe diplomatique. Hein. C'est la grande catastrophe par excellence, d'autant que, effectivement, pendant tout le 19e siècle, je dirais que les règles du jeu international avaient été en grande partie définies par les diplomates. C'est un monde qui était régi par des coutumes séculaires. C'est un monde qui était unifié par une origine sociale commune, un monde aristocratique. Et donc, ce petit groupe, effectivement, qui avait pu avoir le sentiment d'être aux manettes, à la fois s'autogérait et gérait de manière concertée les relations internationales. Ne rien dire, surtout quand on parle, est la moitié de l'art de la diplomatie. Will Durant. Autour de la Première Guerre mondiale, justement, c'est le grand moment où les hommes politiques prennent en main directement les négociations. On le voit au moment de la conférence de la paix qui s'ouvre en janvier 1919 à Paris. Sentiment de relégation à ce moment-là, chez les diplomates. Alors, effectivement, on va avoir toute une série d'ouvrages qui sont publiés dans les années 1920. Donc, ce sont des témoignages qui sont assez précis, qui sont souvent empreints d'amertume, à la fois vis-à-vis de cette prise en main par les exécutifs et aussi vis-à-vis des demandes qui parviennent des opinions publiques. Ça, c'est tout à fait fascinant de voir cette montée en puissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés civiles. Les opinions publiques, hein, comme on le dit alors, sont extrêmement pressantes. Elles veulent suivre les négociations, elles veulent connaître le résultat des négociations. Et donc cette pression-là est peut-être encore plus mal vécue par les diplomates. Parce que, je dirais que de manière séculaire, le diplomate est habitué à négocier dans le secret des cabinets. En tout cas, c'était la tradition en Europe. Dommage pour les diplomates amateurs d'alcôves secrètes. Aujourd'hui, les opinions publiques disposent de leurs propres ambassadeurs, les ONG, tout terrain, dont les acronymes finissent le plus souvent par les mots international, sans frontières, monde, transparency. Des ONG riches, puissantes, communicantes, et qui mettent sur la table ce qui se glissait avant sous la nappe. Comment faire avec ? Face à la guerre civile en Syrie et ses conséquences désastreuses pour les civils, des ONG poussent un cri de déception et de désespoir. Dans un rapport, 21 organisations de défense des droits de l'homme accusent ce jeudi la communauté internationale de ne pas avoir su gérer un désastre humanitaire et d'être en partie responsable du fait que l'année 2014 a été la plus sombre du conflit syrien. Si vous regardez à travers les indicateurs... Le problème que souvent ces acteurs, je dirais non professionnels, entre guillemets, ces acteurs-là, souvent méconnaissent Ce qui est au cœur du problème que nous affrontons lorsque l'on est un diplomate et qu'on travaille avec d'autres pays, c'est que les intérêts ne sont pas convergents en règle générale, sinon il n'y aurait pas de problème. Et c'est la confrontation de ces intérêts contradictoires qui doit donner lieu à des négociations. Et c'est difficile. La réalité en diplomatie, c'est que vous n'obtenez jamais 100% de ce que vous demandez. Si vous en obtenez déjà 50%, c'est pas mal du tout. Si vous arrivez plus, c'est un vrai succès. Et souvent, il faut en rabattre sur ses prétentions initiales et accepter que c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Et ça, je trouve que c'est souvent ce qui manque aux observateurs extérieurs, c'est cette compréhension, cette écoute des points de vue qui se confrontent. Et c'est ça tout le problème. Cette crise de la diplomatie, c'est sans doute une crise effectivement de cette fonction de négociateur qui aujourd'hui est concurrencée par d'autres acteurs. Donc il y a quand même une confusion qui est amenée par les ONG, par les acteurs non officiels. Ce sont des parasites. Et est-ce que ça n'encombre pas le calme déroulement du processus diplomatique avec ces espèces de, on va dire, diplomatie de l'émotion. Diplomatie de l'émotion, oui, ça c'est un terme que j'emploie extrêmement volontiers parce que ces associations, effectivement, introduisent de l'émotion dans les relations internationales. Et ça, le diplomate, oui, n'aime pas ça. Le diplomate est un monstre froid, nous le savons bien. Et donc, l'enjeu est de parvenir à obtenir une forme de désescalade sentimentale. Hein. L'enjeu est de ramener de la rationalité pour conduire les parties prenantes en conflit à se mettre autour d'une table et à réfléchir. Et donc pour ça, il faut souvent éloigner les opinions publiques, il faut souvent éloigner les associations. Et un État comme la France a longtemps freiné les quatre fers pour travailler avec les ONG. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Agir dans le champ international, ça n'est pas la même chose que faire de la diplomatie. Jean-Maurice Ripert. C'est toute la difficulté. Ça n'est pas tout à fait le même métier, ce sont des métiers complémentaires, et moi j'y vois un enrichissement extraordinaire dans le travail de tous ces gens quand ils acceptent de travailler ensemble. Ça n'est pas très fréquent, il faut le reconnaître. Il y a une blague qui circule dans les ambassades. Savez-vous quel est l'odeur que préfèrent les diplomates ? L'odeur du kérosène, quand l'avion de la délégation française en visite redécolle. Le fait que l'exécutif agisse directement, soit des contacts de chef d'État à chef d'État, ou de ministre à ministre quand il s'agit de dossiers particuliers, c'est une plainte que j'ai encore une fois entendue. Un ministre ou une ministre peut arriver et puis demander qu'une conférence de presse lui soit organisée. Dans certains pays, la France n'est pas forcément un sujet de préoccupation centrale et le déplacement d'un ministre ou d'une ministre n'est pas un événement qui va attirer tous les journalistes du pays. Donc, parfois, la salle de presse n'est pas remplie comme l'aurait souhaité le ministre et le ministre va s'en prendre après coup à l'ambassade en disant que l'ambassade n'a pas fait son travail. Alors que l'ambassade a le sentiment que la ministre a pris un peu l'ambassade comme une agence de service. Sachant qu'il peut y avoir le même jour d'autres événements qui vont peut-être plus intéresser les journalistes locaux que la conférence d'un ministre français. Avant la visite d'un ministre, ou d'un président, ou d'un premier ministre, on fixe un programme, on fixe un ordre du jour, on écoute religieusement les instructions du cabinet du président qui veut mettre l'accent sur ceci, mettre l'accent sur cela. En général, à chaque voyage, il y a une dominante. Et puis, on fait des propositions. Après, il faut les défendre. On gagne pas toujours. Ça m'est arrivé de perdre pas mal de combats face à des cabinets. Ça m'est aussi arrivé d'en gagner. Parce que j'ai dit non, vous pouvez pas faire ça. Parce que dans le pays où on est, où vous allez venir, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous connaissez pas, c'est pas un problème. Moi je connais, je suis là pour ça. Donc faites-moi confiance. Allez, je vais vous donner un exemple amusant et qui ne me ferait pas que des amis. Je parle en mon nom personnel, bien entendu. Je n'engage personne, je suis à la retraite et donc je suis libre de ce que je dis. Le président de la République, comme vous l'avez constaté, est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et qui aime aller voir les gens. Et donc quand j'ai organisé sa première visite en Chine, son cabinet m'a reproché, m'a dit « Écoute, ça va pas du tout, il n'y a pas d'occasion où le président peut rencontrer les gens. » Il m'a fallu un certain temps pour leur expliquer que la Chine, c'était pas un voyage à Angoulême. Et qu'on n'allait pas vers la foule, derrière des barrières, c'est pas un voyage en Afrique, où il y a 200 000 personnes avec des petits drapeaux qui chantent. C'est pas comme ça. Il s'est produit ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que la phase déambulatoire, nous l'avons faite dans des rues désertes, que, évidemment, la police chinoise avait fait évacuer. Bon, c'est anecdotique, c'était pas grave. D'ailleurs, je pense que ça a plutôt fait sourire le président, parce que on en a parlé. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, mais là, c'est pas dans mes capacités de faire venir des Chinois, la police chinoise. C'est hors de question. Enfin, c'était quand même pas... Bon, voilà. Le diplomate pourrait-il craindre sur ces terres pire concurrent que la star en mission, pire que l'ONG en campagne? Hélas, pour ses nerfs, oui. C'est le parlementaire en mal de visibilité nationale. Là, effectivement, il peut y avoir des risques que, pour des raisons de politique intérieure, des positions soient prises qui vont mettre le diplomate ou même le consulat en porte-à-faux. Et ça, les diplomates en payent le prix. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu les dindons de la farce. Indignation à Paris et à Kiev face à cette visite controversée de 10 parlementaires français en Crimée. Le groupe, comprenant principalement des élus du parti de l'opposition Les Républicains, s'est rendu sur la péninsule ukrainienne annexée en 2014 par la Russie sans en informer Kiev, d'après l'ambassadeur d'Ukraine à Paris. Et selon l'agence de presse TASS, l'un des députés, Thierry Mariani, a défendu l'annexion de la Crimée. On ne voit pas de forces militaires d'occupation, on ne voit pas des gens qui sont... forcé. Vous savez, une image, il faut du temps pour la changer. L'ambassadeur d'Ukraine a dénoncé une violation du droit international et de la législation ukrainienne de la part des élus français qui s'étaient rendus à Moscou avant d'aller sur la péninsule ukrainienne. C'est vrai que pour les diplomates plus expérimentés, avec des postes plus importants, il y a cette plainte qui se traduit surtout par le sentiment, parfois, soit de ne pas être informé, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il y a des actions diplomatiques parallèles dont ils n'ont même pas été informés, alors que ça concerne le pays dont ils ont la charge. C'est le cas notamment d'interventions de députés, de sénateurs, qui vont avoir des interventions un peu intempestives, qui peuvent compliquer la gestion des dossiers en cours avec le pays dans lequel ils sont accrédités. Ça donne à penser aux gens du pays que la France a plusieurs discours, plusieurs positions. Et ça aussi, c'est une chose qui va être peu appréciée. Soit ça peut être, par exemple, la confusion des genres dans la mesure où un sénateur en visite va avoir une initiative qui ne correspond pas forcément à ce qui se fait dans le pays. Je vais prendre un seul exemple qui a beaucoup sollicité le numéro 2 de l'ambassade en question. Dans un pays d'Afrique d'Ouest francophone, on a une délégation de sénateurs qui arrive. Un des sénateurs souhaite déposer une gerbe de fleurs lors d'une cérémonie militaire le dimanche, sachant que dans le pays en question, il n'y a pratiquement pas de fleuristes, il y en a encore moins qui sont ouverts le samedi. Alors le diplomate explique à l'attaché parlementaire que dans ce pays-là, le dépôt de gerbes n'est pas une tradition qui se fait habituellement. Apparemment, le sénateur insiste, le numéro 2 de l'ambassade passe son après-midi à obtenir cette gerbe de fleurs, il l'emmène le lendemain matin au sénateur au moment où il doit aller à la base militaire pour cette cérémonie, et finalement le sénateur qui a été prévenu par d'autres biais que ça ne se faisait pas de déposer de gerbes n'a pas déposé de gerbes. Donc un travail inutile, sentiment de ne pas avoir été entendu. Ils ont aussi le sentiment parfois d'être traités un peu comme des larbins quand il s'agit simplement d'aller chercher les gens à 4 heures du matin à l'aéroport, de les emmener dans leur hôtel, de les emmener aller faire du shopping, etc. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'être des tours opérateurs pour des acteurs diplomatiques envoyés par le politique ou autodésignés. et qui ne tiendraient pas suffisamment compte de leur expertise. Ils sont tout à fait prêts à recevoir ces acteurs-là, mais ils ont envie que ces acteurs tiennent compte de leur connaissance du pays, tiennent compte de la relation bilatérale et ne fassent pas un peu un jeu cavalier seul qui désorganiserait leur travail. Mes camarades au Quai d'Orsay n'ont même plus de papier. Hein, certains travaillent dans des locaux même très vétustes. À côté de ça, il veut nous diminuer nos primes de résidence à l'étranger. Je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis là parce que je crois à une mission du ministère des Affaires étrangères. Et je pense que cette mission est menacée. Et je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens pour l'exercer, y compris les moyens pour faire le poids à l'interministériel face à d'autres ministères. Il y a une crise de la fonction publique, tout le monde le sait, moins d'argent, moins d'effectifs. L'ensemble du personnel du Quai d'Orsay, c'est moins de monde que la mairie du Havre, qui est certes une grande métropole, mais qui compte plus d'agents municipaux que le Quai d'Orsay d'agents partout à travers la planète. Il faut quand même réaliser que la France, qui a des ambitions mondiales, et tous les Français se flattent d'être une puissance mondiale, les coupures budgétaires et d'effectifs font qu'aujourd'hui, les diplomates travaillent beaucoup. New York, Moscou, Pékin, mes journées commençaient à 8h et finissaient à minuit, quasiment tous les jours, samedi compris. On arrivait parfois à sauver les dimanches. Donc les diplomates travaillent, contrairement déjà à beaucoup d'idées reçues. Donc je crois là, et je me fais le porte-parole involontaire de mes anciens collègues, mais c'est vrai qu'il est temps de se rendre compte qu'on va, on va toucher à l'os, si vous me permettez cette expression. Il y a un moment où nos ambitions ne pourront plus être servies par nos moyens. Il est clair que les diplomates aujourd'hui sont renvoyés à des images, à des représentations qui reflète le monde d'hier, que ça nourrit un discours extrêmement critique et ce sentiment de déclin, je pense qu'il est nourri par un sentiment plus profond qui est celui du déclin de l'État. Un État qui, en tout cas dans le monde occidental, entre en crise à la fin des années 70 avec les difficultés effectivement financières, budgétaires que l'on a connu, hein, c'est la crise du modèle de l'État-providence, tout simplement, qui doit faire des choix et qui va couper, en particulier dans les budgets de la culture, dans les budgets de la représentation à l'étranger. Et comme représentant de l'État au premier chef, eh bien le diplomate est aussi attaqué, délégitimé. Plus grave que les frais de fonctionnement, ce sont les crédits. Les crédits de coopération, les crédits pour l'aide au développement, les crédits pour l'action humanitaire. Donc l'influence de la France baisse, parce que dépenser de l'argent pour l'aide au développement, c'est monter des projets de coopération, c'est faire travailler des entreprises françaises, par ailleurs, c'est développer les savoir-faire français. Quand vous construisez un puits solaire, dans le Sahel, c'est la technologie française que vous utilisez sur les crédits de coopération, pas la technologie chinoise. Donc, la perte de ces crédits est considérable. Et puis, encore, j'ai envie de dire, davantage sur le plan culturel, les centaines de tournées que nous avions, la capacité des alliances françaises dont nous sommes si fiers, des instituts français, à monter des expositions, à exposer des jeunes artistes français, à monter des pièces de théâtre, à montrer des concerts, à faire tourner. Tout ça est en train de disparaître, dans certains cas. Parce que nous n'y mettons plus l'argent. Nous considérons, alors tout le monde dit la culture c'est important, oui, c'est important à Rennes. C'est aussi important à Pékin. Parce que si vous n'occupez pas l'opéra de Pékin, il sera occupé par un autre pays. C'est de l'influence qui s'en va. Donc ça, je lance un cri d'alarme. Ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude pour les diplomates qui se disent « à quoi bon se battre ?» C'est un appauvrissement ou un changement de cap ? C'est un changement de paradigme. La notion de rayonnement n'est plus une notion qui est nécessairement brandie avec la même ferveur par les ambassadeurs. Je crois que la France ne cherche plus tant à imposer un modèle culturel qu'à créer des partenariats, en fait, dans les sociétés où elle est implantée. À l'instar d'autres États, la diplomatie culturelle ou la diplomatie d'influence de la France, comme on l'appelle aujourd'hui, se pense non plus tant sur le mode du rayonnement que de la réciprocité. Je venais de m'embarquer pour rentrer en France au moment où M. Herriot, appelé par le président Roosevelt, se dirigeait lui-même vers Washington. J'avais eu une conversation importante avec l'hôte de la Maison-Blanche et je tenais à mettre le représentant de la France au courant des idées échangées. Nos bateaux devaient se croiser au milieu de l'Atlantique. Pour me mettre en état de causer et d'entendre, on monta dans ma cabine une installation téléphonique de fortune qui me remplit d'admiration et de terreur. Pour la première fois, mêlant ses appels et ses sonneries au tac-tac de Morse, intervient dans la confection des événements humains un nouvel et terrible instrument, le téléphone. Mais qui connaîtra jamais la teneur des communications téléphoniques qui, pendant les derniers jours de juillet 1914, ont été échangées d'une chancellerie à l'autre? Je finis par fuir de ma cabine, encombrée de spirales maléfiques et de matériel démantibulé. Alors débarrassé de moi, le téléphone se mit à parler tout seul. C'était comme si on sciait du fer, comme si on arrachait les boyaux à une femme. Paul Claudel, ambassadeur de France aux USA, 1936. Informer sa capitale des événements du pays où il se trouve est la mission première du diplomate. L'art de bien l'écrire est son privilège, son orgueil. Mais à l'heure du tweet, de Facebook et de TikTok, nombreux sont les diplomates qui ressemblent à un Claudel, ambassadeur technophobe devant les outils de la modernité. Tout d'abord, cette rapidité d'information, ce n'est pas un phénomène nouveau. Dès l'invention du télégraphe, les diplomates se sont confrontés à cette difficulté qu'auparavant ils ignoraient. Quand il fallait pratiquement 3 semaines, 1 mois pour qu'un courrier parte de Washington pour aller à Paris, puis revienne sous forme d'instruction à Paris, sauf que le travail n'était pas le même. À partir du moment où effectivement on dépose au fond des mers ces grands câbles télégraphiques qui non seulement transmet l'information diplomatique, mais aussi l'information économique et financière, eh bien, les ambassadeurs établis dans les pays lointains, eux qui étaient un petit peu les rois du monde, à Tokyo ou à Pékin, et qui pouvaient finalement, sur place, prendre un certain nombre de décisions, se retrouvent beaucoup plus soumis déjà à leur administration centrale. Renseignements pris. Combien de TD, c'est-à-dire de télégrammes diplomatiques, par jour, rien qu'en diplomatie française? 1000. 1000 TD par jour. Pour être lu, faut être bon. Et si on n'est pas lu, on est ignoré. Il y a tout un code qui n'est écrit nulle part, qu'il faut apprendre à déchiffrer. Diplomate anonyme, enquête sociologique. On vous dit, faites-moi telle note. En plus, c'est des termes très techniques. Vous voyez pas toujours de quelle note il s'agit. Il faut se renseigner, chercher ses modèles. Le savoir-faire à proprement parler, savoir présenter sa note, savoir à qui la remettre, au bon moment, bon bref. On y perd un temps fou. Et je crois que c'est quand même 30% du truc. L'envoyer à la bonne personne, récupérer la vie de Pierre et Paul, parce que c'est obligé qu'elle soit validée à tel endroit. J'ai passé beaucoup de temps dans les ambassades que j'ai dirigées à expliquer à mes collègues que, voilà, on n'était pas une agence de presse. Que de toute façon, on serait moins bon, moins rapide. En plus, il n'y a pas un diplomate qui sait écrire un compte-rendu en 50 lignes, donc c'est pas la peine d'essayer. En revanche, il y a des informations qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne les cherche pas ou parce qu'on ne sait pas à quoi elles se rattachent. Et donc, on n'y prête pas attention. Et ça, la présence sur le terrain d'une ambassade permet d'éviter les trous dans la raquette. Dans une ambassade, la plupart des ambassades, tous les matins, vous avez une réunion dite de chancellerie, qui dure entre une demi-heure et une heure. Vous faites le tour de tous vos collègues qui sont allés dans des dîners en ville la veille, qui ont rencontré des gens la veille au soir, qui ont lu tous les journaux le matin. Et donc vous allez dénicher éventuellement des informations pertinentes pour vous en tant que diplomate ou pour la diplomatie française, et qui ne le sont pas nécessairement pour l'économie française, et donc vous n'aurez pas de dépêche de l'AFP ou de compte-rendu radio. Bon, ça c'est la première chose. En quoi l'annonce par un journal local d'un discours ou d'une inauguration par le président du pays où vous êtes a-t-il de l'importance? Ça, c'est à vous d'aller mettre la valeur ajoutée. Pourquoi 15 jours avant la venue du président X ou du président Y, tout d'un coup apparaît un reportage sur tel ou tel aspect de la politique française, dans la presse chinoise? Il y a un petit, c'est jamais par hasard. Donc là, vous devez lire l'information pour sa publication, pas forcément pour son contenu. Puis la deuxième chose, c'est qu'on vit avec les journalistes locaux. Vous échangez beaucoup entre collègues, évidemment. D'abord, entre collègues européens, ça va de soi, on se voit tout le temps, on vit ensemble, on s'appelle 10 fois par jour, pour vérifier, justement. Tous ces événements ont un but. On ne reçoit pas les gens juste pour se faire plaisir et voir des copains. C'est pas ça, la diplomatie. Les réceptions, d'ailleurs, c'est un mot en réalité impropre. Parce que la majorité des événements sociaux dans une ambassade, c'est plutôt des petits déjeuners de travail, des déjeuners de travail, des dîners de travail. Donc tout ça a un but. Une journée d'ambassadeur, donc souvent vous commencez par un petit déjeuner de travail où vous avez rassemblé deux ou trois personnalités politiques du pays dans lequel vous vous trouvez, deux ou trois analystes, tel ou tel directeur du ministère des Affaires étrangères local. Donc déjà, ça vous prend une heure et demie. Vous allez ensuite à votre bureau où généralement vous avez tout de suite une réunion avec tous vos collaborateurs, la petite équipe qui vous entoure et avec lesquels vous faites le point des dossiers importants de la journée, ce qui s'est passé depuis dans les 24 dernières heures, qu'est-ce qui pourrait intéresser Paris et sur lequel il faut écrire. Et donc ça encore, c'est une réunion assez substantielle qui peut durer entre une demi-heure et une heure. Ensuite, vous avez généralement des rendez-vous de toutes sortes, les visiteurs français de passage, tel ou tel industriel local qui veut vous voir. Vous arrivez à l'heure du déjeuner et là encore, vous pouvez être soit invité à l'extérieur, soit vous organisez un déjeuner à votre résidence, là encore avec des personnalités locales ou d'autres. C'est le même tarif l'après-midi avec réunion, visite, etc. Vous avez souvent une réception vers 6 heures. Il faut quand même que vous alliez, même si ça vous ennuie, parce que vous pourrez peut-être y faire 2-3 rencontre, entendre parler de 2-3 sujets, de 2-3 rumeurs qui courent dans la ville que vous aviez raté et sur lesquels vous allez mettre l'un ou l'autre des collaborateurs pour savoir si c'est vrai ou pas, et vous allez terminer souvent par un dîner, soit à votre résidence, soit à l'extérieur. Après quoi, souvent, quand vous rentrez chez vous le soir, vous allez lire tout ce que vous n'avez pas pu lire pendant la journée et donc vous couchez souvent assez tard. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une très très mauvaise réputation d'être quelqu'un qui se couchait très tard, mais c'est parce que j'essayais de rattraper tout ce que j'avais pas pu lire dans la journée et qui me paraissait important de faire. Alors, je vous ai pas entendu employer le mot piscine, jogging, ping-pong. Pierre Vimon, vous faisiez comment pour tenir le coup? Ping-pong, non. Piscine, oui, beaucoup. Alors, c'est le week-end, ou bien c'est très tôt le matin, avant le début des shows, mais il faut avoir une grande rigueur et une grande hygiène de vie pour arriver à tenir le coup, c'est vrai. Comment faire preuve de tant de capacité à tenir le coup, à maîtriser ses nerfs, face au cynisme des grandes et petites puissances que plus aucun traité ne semble freiner? Face à l'effondrement des conventions diplomatiques que les diplomates et leurs pairs avaient bâties pendant des siècles. Afin de respecter mon engagement solennel de protéger les États-Unis et son peuple. Les États-Unis vont se retirer des accords de Paris sur le climat. La crise actuelle qu'on connaît est venue en définitive d'une attaque d'un acteur qu'on n'attendait pas, puisque c'était l'un des acteurs qui avait reconstruit l'ordre international en 1945, à savoir les États-Unis d'Amérique. Là, les coups de boutoir portés par Donald Trump à cette diplomatie multilatérale ont véritablement sidéré la majorité des États de la planète dans son ensemble, parce que, bon, il y a eu ce qu'on sait, les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris sur le climat, sont sortis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, sont sortis de l'UNESCO, de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc Donald Trump, effectivement, en est revenu à une politique de puissance fondée sur le bilatéralisme, sur la volonté de parler avec des interlocuteurs choisis par lui et par lui seul, et au grand mépris de ses alliés traditionnels, qui étaient les Européens. Alors, Donald Trump, on a pris à son aise de manière effectivement très spectaculaire. C'est extrêmement décourageant quand on a passé, en tout cas comme moi, 20 ans ou 30 ans à se battre au sein des Nations Unies. Et la France et l'Europe jouent un rôle moteur pour construire un monde de solidarité et de paix, de voir que tout ça se délite. Par ailleurs, c'est vrai aussi que nous vivons à une époque où la diplomatie commence à montrer ses limites, pas nécessairement pour les raisons mentionnées, mais tout simplement parce que le monde est de plus en plus dur, pardon de dire des évidences. Pensez aux guerres qui continuent, tout le monde a oublié, la Syrie est toujours en guerre, le Yémen est toujours en guerre, la République démocratique du Congo est en guerre, Haïti, le président s'est fait assassiner ce matin, enfin cette nuit. Il y a des civils qui meurent tous les jours à travers la planète. Aujourd'hui, les premières victimes du terrorisme, ce sont par définition des civils, parce que les terroristes ne sont pas assez courageux pour s'en prendre aux autorités. Les droits de l'homme reculent. Après des années glorieuses, les années 90, les années 2000, où le respect pour les droits de l'homme gagnait, où de plus en plus de pays signaient les conventions et les respectaient, où on a créé la justice pénale internationale, vous avez aujourd'hui des pays, et pas les moindres, deux des quatre grandes pôles de puissance mondiaux, la Russie et la Chine, disent stop, c'est fini. Les droits de l'homme, c'est terminé. Nous n'en voulons plus. Et le droit international, nous ne l'accepterons que quand nous le décidons. Donc tous les textes que nous avons signés, nous nous réservons le droit de ne plus les appliquer. Ça, c'est très décourageant pour des diplomates. Parce que c'est quoi le métier d'un diplomate? C'est d'éviter les conflits. C'est de les gérer quand ils existent, de trouver les sorties, la reconstruction, réapprendre à vivre ensemble. Mais c'est surtout d'essayer de les prévenir. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans avec un homme admirable, Bernard Kouchner, sur le droit d'ingérence, puis la responsabilité de protéger. C'était quoi? C'était juste de dire, il faut empêcher les gens de mourir. C'est tout bête. Le premier droit des droits de l'homme, c'est de vivre. Tout le monde l'a oublié. Cette tendance à s'affranchir des règles, des principes, des valeurs, je dirais même des institutions telles qu'elles existent depuis, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945, c'est en effet une tendance qu'on remarque de plus en plus. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie, mais je pourrais citer aussi des pays en Afrique qui remettent en cause les règles du droit humanitaire. Probablement parce que pour beaucoup de ces pays qui sont devenus des vraies puissances mondiales et qui estiment qu'aujourd'hui, dans le système multilatéral, il y a trop d'influence de la part des pays qui ont dominé le système multilatéral en 1945, qui l'ont en fait forgé un peu selon leurs propres intérêts, c'est-à-dire l'Amérique et les pays européens, ce qu'on appelle le camp des pays occidentaux, et que c'est devenu un ordre multilatéral tout à fait dominé par les Occidentaux. C'est un vrai problème. Roberto Duterte n'aime pas recevoir de leçons. Barack Obama vient d'en faire les frais. Le président philippin n'a pas accepté les critiques de son homologue américain concernant la lutte implacable contre le trafic de drogue dans son pays, qui a causé près de 2400 morts. Il l'a copieusement insulté alors que les deux dirigeants doivent se rencontrer au Laos. Barack Obama espérait soulever le problème du respect des droits de l'homme et des exécutions extrajudiciaires. Rodrigo Duterte a vivement réagi, déclarant être le président d'un État souverain qui a cessé d'être une colonie depuis longtemps. Il a ajouté « Je n'ai aucun maître, hormis le peuple philippin ». Comment, en tant que diplomate, on peut continuer à engager le dialogue avec, allez, je dirais, des proto-dictatures? Oui, vous êtes gentil. Être diplomate ne nécessite pas nécessairement de pratiquer la litote. C'est une partie de la réponse à votre question. Dire les choses, nommer les choses, est indispensable. Pourquoi ? Pour se faire respecter. L'irruption parmi les quatre pôles de puissance aujourd'hui les plus importants, ça n'est pas pour minorer les autres, mais il y a, disons, quatre pôles de puissance, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne. L'irruption parmi ces quatre, de deux pôles qui disent aujourd'hui, encore une fois, c'est fini pour nous, dorénavant, nous ferons ce que nous voudrons. C'est une rupture, non seulement dans l'ordre international, mais dans la façon de faire face aux crises. Donc c'est extrêmement perturbant, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant très longtemps, on a dit, les diplomates sont là pour ça, il n'y a qu'à parler. Et vous verrez, tout un tas de gens, je me suis rendu célèbre dans mon petit milieu en les appelant les Français pandas pour certains et les Français oursons pour d'autres, je vous remettrai chacun à sa place, qui vous disent, il faut se parler. Certes. Difficile, quand M. Poutine vous dit la Crimée est dorénavant russe, circulez, il n'y a rien à voir, je refuse d'en parler. Quel est le choix? Vous l'acceptez ou vous le refusez? Nous avons décidé de le refuser. Nous avons décidé de nommer les choses. Nous avons dit c'est une annexion illégale par la force. Ce que c'est. En violation du droit international, et d'ailleurs notamment, ce qui est quand même tout à fait merveilleux, de traités dont la Russie était garante. C'est quand même formidable. Elle a violé des traités qu'elle a elle-même signés, négociés, et dont elle était garante sur l'indépendance de l'Ukraine. Donc ces pays s'affranchissent du droit. Nous l'acceptons ou ne l'acceptons pas? Nous, cette fois-ci, nous avons dit non, nous ne l'acceptons pas. Et les Russes ont dit « Oh, taratata, c'est comme d'habitude les Européens, dans 15 jours on n'en parlera plus ». Eh bien, 7 ans plus tard, les sanctions sont toujours là. Et si vous regardez la situation économique de la Russie, je veux bien qu'on m'explique que ça coûte plus cher à l'Union européenne qu'à la Russie, mais ça reste à démontrer de mon point de vue. Bien, nous nous sommes fait entendre. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Il y a un moment simplement où quand vous vous adressez à une puissance qui s'affranchit de tout, moi je ne crois pas à la diplomatie du paillasson. Je ne crois pas que face à des grandes puissances qui s'affranchissent du droit, il faille soit nous-mêmes nous affranchir du droit, soit renoncer. Ces pays ne respectent pas ceux qui renoncent. Il faut se faire respecter. C'est ce que l'Europe est en train de faire. Avec l'habituel, peut-être un peu de mépris, un peu de commisération, cette pauvre Europe. Cette Europe est en train de se doter des instruments de la puissance militaire, économique et technologique. C'est lent, comme toujours avec l'Union européenne. Mais il n'y a pas de retour. Regardez, en un an et demi, nous avons adopté le principe d'une défense européenne. Ce qui ne s'était pas vu depuis 1953. Donc je pense, moi je vais vous donner ma définition, qui était celle que j'utilisais avec Bernard Kouchner, qui est peut-être au fond celle des diplomates, nous sommes des pessimistes actifs. Il faut savoir regarder la réalité en face. Dire ce qui ne va pas. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à se battre. C'est ça le combat des diplomates. Un jour, dans un pays autoritaire, je me suis opposé à une décision du gouvernement local. Diplomate anonyme. Enquête sociologique. Alors évidemment, le pouvoir local, ivre de rage, me dit que je me mêle des affaires intérieures. Et je lui réponds publiquement que je me contente de signaler à la société que dans mon pays, donc en Europe, en démocratie, Des choses pareilles ne se font pas. Il ne fait aucun doute que si ça avait mal tourné, par exemple, si on m'avait dit sur place « trop, c'est trop, donc retour à Paris dans les 24 heures », ça aurait été considéré comme une faute de ma part. Mais les choses n'ont pas été considérées comme une faute, dans la mesure où je n'ai pas été expulsée. Et ça m'a même valu une espèce d'estime de la part des autorités du pays même. Parce que ils savaient que dorénavant, ce que j'aurais à leur dire ne sera sous-tendu par aucune duplicité. Et par la suite, quand j'ai eu besoin de leur dire des choses, j'ai été considérée comme un interlocuteur valable. Pris de vitesse par les médias, raboté par Bercy, concurrencé par les ONG, doublé par l'exécutif, humilié par les dictateurs, que reste-t-il aux diplomates ? Une vie d'exil ? Les nouvelles générations sont-elles prêtes à y consentir ? C'est une des questions que je posais aux jeunes. Est-ce que vous avez bien réfléchi à la vie à laquelle vous vous préparez ? Quand vous arrivez dans un pays, il y a une année ou une année et demie merveilleuse qui est l'année de la découverte. Vous vous jetez à corps perdu dans le pays où vous êtes. Vous voyez des gens tout le temps, vous prenez le train le plus souvent possible, vous prenez le métro, vous allez vous promener, vous visitez les monuments, vous allez dans les restaurants, vous parlez aux gens. Donc, vous avez envie d'apprendre, apprendre, apprendre, vous êtes comme une éponge. Y passer toutes les nuits et toutes les journées jusqu'à minuit, c'était normal. Parce que vous sentez bien que pour être efficace et utile, il faut quand même apprendre vite, hein, il faut apprendre vite. Donc ça, on n'y pense pas tellement avant. Mais sacrifice, oui, notamment sur la vie familiale, et je crois qu'il faut le souligner. Sacrifice pour celui ou celle qui part, parce que souvent celui ou celle qui vit avec celui-là ou celle-là reste. À une époque où de plus en plus d'hommes et de femmes travaillent, partir en couple devient un problème. Sans entrer dans le détail, j'ai passé la première moitié de ma vie avec une épouse qui ne voulait pas partir à l'étranger. Et à un certain moment, nous vivions, elle, moi et notre fils, sur trois continents différents. Ça s'est terminé comme ça doit se terminer, c'est-à-dire par une séparation. Ma deuxième épouse a accepté de partir, a sacrifié sa carrière, mais toutes les femmes ou tous les hommes ne font pas ça. Donc ça va poser un problème. Encore une fois, choisir d'être diplomate, c'est choisir un mode de une vie. Moi, je n'ai pas fait le métier de diplomate. J'ai vécu la vie de diplomate. C'est vraiment, et ça, c'est très difficile. Et je pense que ce qui motive beaucoup les diplomates, c'est ce sentiment de participer à l'histoire et d'être reconnu pour cette participation. Parmi tous les gens qu'on a interrogés, on posait systématiquement la question de savoir quel était leur meilleur souvenir professionnel ou leur pire souvenir professionnel. Eh bien, on est tombé sur plusieurs diplomates qui vont vous dire « c'était extraordinaire, je me souviens, quand on était dans tel pays en guerre, l'ambassade était bombardée par des rebelles, on faisait des réunions la nuit avec des représentants officieux du pouvoir et des chefs rebelles dans la cave de la résidence, c'était incroyable, c'est le meilleur souvenir de ma vie, et puis les relations hiérarchiques étaient complètement mises à plat, il n'y avait plus d'ambassadeurs de numéro 2, de numéro 3, etc., mais tout le monde était au même niveau, face à l'urgence et au danger, et il y avait une ambiance extraordinaire quand on avait fini une négociation à 3h du matin, on buvait le whisky avec l'ambassadeur et on rigolait sur ce qui s'était passé, c'était leur meilleur souvenir, alors que c'était objectivement quelque chose de difficile, où leur vie avait été mise en danger, où leur vie familiale avait été gravement perturbée par la situation. Et puis ça, c'est le côté merveilleux, vous savez quand même, excusez-moi, mais mon meilleur copain américain, je le connais depuis 40 ans, je l'ai rencontré sur les bancs des Nations Unies, où on était dans la même commission des Nations Unies, on s'emmerdait, on s'est mis à rigoler, on est devenu à la vie, à la mort. J'ai un grand copain serbe, je l'ai connu à Ankara, il est ambassadeur en Grèce, je pourrais vous citer 50 exemples, des amis africains aussi, je me suis fait beaucoup d'amis africains, parce que moi je crois beaucoup à la francophonie, donc on a cette espèce de constellation d'amis un peu partout. Alors en revanche, on perd le contact avec la France. Ça, c'est un vrai sujet. Vous téléphonez, vous rentrez, vous dites « Salut, je suis arrivé de Pékin, je repars la semaine prochaine, est-ce qu'on peut dîner ?»« Ah, ça va être compliqué, mon agenda, non, je suis pas sûr. » Vous dites « Il a compris que je venais de Pékin, que j'ai fait 10 000 km pour dîner avec lui ?» Non, il veut pas. Bon, ça, c'est très dur. En fait, c'est chez vous que vous perdez le plus de contacts. souvent votre famille, bon, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, vous les voyez jamais. Vous passez de longues soirées tout seul. Moi, ça m'est arrivé puisque j'ai fait certains postes où j'étais seul. Et c'est vrai que, bon, fêter ses anniversaires tout seul dans un appartement, fut-il sympathique, à l'autre bout du monde, tout seul, en regardant la télévision, c'est un peu bizarre. Ça peut vous arriver à Angoulême, encore une fois, ou à Bobigny, il ne faut pas non plus exagérer, on n'est pas à plaindre. On n'est pas à plaindre. Mais c'est déstructurant, oui. Il faut être capable d'être seul. Même quand vous vivez avec votre épouse ou votre époux, d'abord, il y a des choses qu'on ne raconte pas. Il y a une partie de sa vie qu'on ne raconte pas. C'est vrai aussi qu'on rencontre des gens dont on sait qu'on va les perdre. Surtout que c'est souvent d'autres étrangers, donc voilà. Mais vous choisissez ce métier parce que vous êtes curieux, vous vous intéressez aux autres, au monde, et donc vous avez envie d'expatriation. Moi, j'ai choisi ce métier pour m'expatrier. Sur 40 ans de métier, j'ai passé 23 ans à l'étranger. Donc plus de la moitié. C'est ça qu'on aime. Peut-être qu'on est tous d'immenses inadaptés sociaux, c'est possible aussi. Mais je piaffe à Paris. J'ai qu'une envie, c'est de reprendre l'avion pour aller me promener, voir le monde. C'est ça que j'aime. Avec Jean-Maurice Ripert, Pierre Vimon, Marc Loriol, Laurence Badel. Lecture Nathalie Canoui. Documentation Anne-Lise Signoret. Est-ce qu'il y a des bonnes, des plaisanteries qui circulent connues ? Oui, oui, il y en a énormément qui circulent. Il y en a une qu'on répète beaucoup de l'ambassadeur qui, dans les réunions de service, faisait des plaisanteries qui n'étaient pas très très drôles, mais tous ses collaborateurs dissimulaient ce qu'ils pensaient de ces plaisanteries et riaient donc de bon cœur. Et un matin, il fait encore une de ces plaisanteries sans grand intérêt. Tout le monde rit, sauf l'un des collaborateurs. Donc l'ambassadeur l'interpelle et lui dit « Vous ne riez pas, cher ami ?» Et l'intéressé aurait dit « Non, monsieur l'ambassadeur, je pars demain. Je quitte l'ambassade demain. » Encore une fois, je ne sais pas si elle est authentique, mais ça fait partie de ces plaisanteries qu'on se raconte tous les uns les autres. Prise de son, Éric Audra, Nicolas Mathias. Mixage, Claude Niort. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Kerfranc. C'était Diplomate au bord de la crise d'honneur, Diplomatie et crise de foi. Un documentaire de Franck Cuvelier réalisé par Véronique Samouinoff. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à l'ambassade, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, à l'école des diplomates. Mais en attendant, restez à l'écoute.